caméléon. Imaginaire, je me traîne la tête, elle est toujours allumée. Je voudrais qu'elle s'éteigne. Je voudrais rentrer chez moi, c'est pas où c'est partout.